إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cours concerne une explication des annotations du Cheikh, le docteur عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى qui s'intitule مجلس ماتع من مجالس التابعين, une assemblée, une assise, une bonne assise, une assise valeureuse parmi les assises, les assemblées des tabi'in, la génération venant après celle des compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Les louanges sont à Allah, prières et salutations sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons et ceux qui ont entrepris et suivi sa guidée. Wa ba'du, après ceci. Faqad tamayyazat majalis as-salaf rahimahumullah wa radiya anhum bil hudu' wal waqar wa lin al janib ma'a quwwati al 'ilm wa husn al fahm وجمال الخلق وصفاء القلب واستحضار الدليل. Les assises, les assemblées des pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les agrée, se sont distingués de par le côté apaisant dans le, qu'on retrouvait dedans. Cette tranquillité, cette paix, ce respect, et aussi tout cela a été accompagné par une forte science, une connaissance énorme, avec bonne compréhension, comportement honorable et beau, un cœur qui était saint, propre, pur, et aussi ils avaient à l'esprit les preuves et les arguments. Ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient faire, était appuyé par les arguments et les preuves. Kullu dhalika bi uslubin hadi wa hiwarin latif wa niqashin ilmi وأدب رفيع بعيد عن الفظاظة والغلظة والقسوة والشدة والتهكم والتنفير والإثارة والافتزاز. Ils avaient un caractère, un comportement doux, paisible. Le dialogue était fait de la meilleure manière, avec douceur. Une discussion qui était scientifique et avec un comportement élevé, loin de la dureté, des mauvais comportements, mauvais caractères, loin de la dureté du cœur, loin de la moquerie, raillerie, loin de toutes ces choses mauvaises qu'on retrouve dans d'autres assises. إنها مجالس تعد بحق مدرسة راقية في جمال العلم وجمال الحوار وجمال الخلق وجمال الحديث. Ces assises, ces assemblées forment en réalité une école élevée, avec la beauté dans la science, la beauté dans la discussion et le dialogue, la beauté dans les bons comportements et la beauté dans les paroles. وَإِلَيْكَ مَجْلِسٌ مِنْ رَوَائِعْ مَجَالِسِهِمْ لِتَرَى مِنْ خِلَالِهِ الطَّرِيقَةَ الْمُثْلَى وَالنَّهْجَ الْأَسْمَى والمسلك الرشيد الذي كانوا عليه. Et voici donc une assise parmi leurs grandes assises pour que tu vois, d'après cette assise, le chemin, la méthodologie énorme, grandiose sur laquelle ils étaient. وليتنا نكون في مجالسنا كما كانوا. Qu'est-ce qu'il serait bien pour nous d'être dans nos assises, dans nos assemblées, comme eux ils l'étaient. لنسعد كما سعدوا ونفوز كما فازوا. Pour qu'on puisse être bienheureux comme ils ont été bienheureux, et qu'on soit gagnant comme ils ont été gagnants. Rawa Muslimun fi sahihi wa Ahmad fi musnadi an Husayn ibn Abd al-Rahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-bariha qultu ana thumma qultu أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي فقال وما حدثكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. Donc dans ce hadith, qui est donc dans le Sahih de Muslim, et rapporté aussi par l'imam Ahmed dans le Musnad, l'imam Muslim dit: Saïd ibn Mansour nous rapporte, Hushayn nous rapporte, Hussein ibn Abd al-Rahman nous informe. J'étais chez Saïd ibn Jubayr quand il demanda: qui parmi vous a vu l'étoile tomber hier? Une étoile filante. Je répondis: moi. En fait, je n'étais pas en train de prier, mais j'avais été piqué par un scorpion. Qu'as-tu donc fait? Demanda-t-il. J'ai demandé qu'on m'exorcise, qu'on me fasse la ruqya. Répondis-je: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Quelle est la preuve, l'argument de ton agissement? Ajouta-t-il. Je répliquai: un hadith que nous a relaté Al-Sha'bi. Et que vous a rapporté Al-Sha'bi? Demanda-t-il. Je dis: il nous a rapporté, d'après Buraïda ibn Husayb al-Aslami, point d'exorcisme, c'est-à-dire point de ruqya, sauf en cas de mauvais œil ou de poison. Ici, il est voulu, dans le hadith, la piqûre du scorpion. Saïd ajouta: a bien agi celui qui ne fait que ce qu'il a entendu, c'est-à-dire celui qui s'est contenté de ce qui est rapporté dans le récit. Il applique ce qui est rapporté dans le hadith. Celui-là aura bien agi. Mais Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, nous a relaté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les communautés m'ont été présentées. J'ai vu un prophète qui n'avait avec lui qu'un petit groupe. Il n'y avait qu'un petit groupe de personnes qui ont cru en lui et qui ont répondu favorablement à son appel. Un autre avec un ou deux hommes. Et un autre, un troisième, avec qui il n'y avait personne. Viendra le prophète, il n'y aura personne avec lui de sa communauté. C'est alors qu'une masse, bon là il a traduit une masse noire, c'est-à-dire une masse, un grand nombre de gens, un grand groupe de personnes m'est apparu. J'ai cru qu'il s'agissait de ma communauté, mais on m'a dit: c'est Moussa, Moïse, alayhi salam, et son peuple. Regarde plutôt vers l'horizon. J'ai regardé et j'ai vu une masse noire de gens, pleine de gens. On m'a dit: regarde l'autre côté de l'horizon. Il y avait également une masse énorme de gens. Voici ta communauté, m'a-t-on dit. Il y en aura parmi eux 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Il se leva ensuite, c'est-à-dire le prophète sallam, après avoir dit ça, il s'est levé et regagna sa maison. Les gens, c'est-à-dire les compagnons, en entendant cela, polémiquèrent, c'est-à-dire qu'ils ont discuté entre eux. Ils ont discuté de ce qu'ils viennent d'entendre concernant les 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Certains dirent, peut-être s'agit-il de ceux qui ont tenu compagnie au messager d'Allah. C'est-à-dire, peut-être que ceux qui sont voulus dans le hadith, ce sont les compagnons qui ont tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres supposèrent, peut-être s'agit-il de ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont donné aucun associé à Allah, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu le polythéisme. Depuis petits, ils n'ont connu que l'islam. Et ils mentionnèrent d'autres choses. Chacun donnait ce qu'il pensait être la bonne réponse concernant les 70 000. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit et demanda « À quel sujet polémiquez-vous ? » Ils l'en informèrent et il déclara. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner la réponse qui sont réellement ces 70 000. Ce sont ceux qui ne pratiquent pas, qui ne demandent pas qu'on leur pratique la ruqya. Ils ne la demandent pas. Ils ne demandent pas à quelqu'un de lui faire la ruqya. Qui ne consultent pas les augures, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans, comment on pourrait appeler cela, les superstitions. Et ça touche ce que tu vois et ce que tu entends. Les gens qui pensent que entendre telle phrase, tel mot, c'est un mauvais présage. Ils voient une chose qui lui déplaît, ils pensent que c'est un mauvais présage. C'est tatayur. Donc, il ne va pas sortir de la maison. Il ne va pas entreprendre ce qu'il voulait faire. Il ne va pas voyager. Et ça fait partie de jahiliya. Et ceci est interdit en islam, la superstition. Et aussi, qu'il ne se soigne pas par la brûlure, le fait de se brûler. On appelle ça comment en français ? Il y en a qui connaissent bien les mots français. La cautérisation. Ok. Taïeb. Et se fie entièrement à leur Seigneur. Et qu'ils ne cherchent refuge qu'auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ukasha ibn Mihsan se leva et dit: invoque Allah pour qu'il me compte parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirma: tu es l'un d'eux. Un autre homme se leva et demanda: invoque Allah pour qu'il me compte parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: Ukasha t'a devancé. Et ce récit, on le retrouve aussi dans, ou une partie de ce récit, on le retrouve pas complètement dans le Bukhari aussi. Donc, après avoir cité ce récit, cette assise, cette assemblée de tabi'in, dont va en découler les récits, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah, dit: Rawi hadha al-majlis huwa Hussein ibn Abdelrahman, أحد علماء التابعين الفضلاء وأئمة العلم النبلاء والحفاظ المتقنين. Le rapporteur de cette assise, de cette assemblée, s'appelle Hussein ibn Abd al-Rahman, un des grands savants vertueux, honorables parmi les tabi'in, Et parmi les imams reconnus dans la science et les grands mémorisateurs de la science, Yaqul, il dit, Kuntu inda Sa'id ibn Jubayr. J'étais chez Sa'id ibn Jubayr. Donc dans une assise de Sa'id ibn Jubayr. Aïe fi majlis, c'est-à-dire dans une assemblée. Wa Sa'id kadhalika min ajillati at-tabi'in wa al-ulama al-muhaqqiqin. Et Sa'id ibn Jubayr est aussi parmi les grands imams, les grands savants des tabi'in. C'est lui-même connu pour être un des plus grands élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. فاستهل سعيد هذا المجلس المبارك بقوله. Et donc il y avait des personnes dont ce grand savant Hussein ibn Abd al-Rahman qui était à l'assemblée présent dans l'assise de Saïd ibn Jubayr rahimallahu al-jami'a. Et Saïd ibn Jubayr en a profité pour dire durant cette assise bénie, il a dit أيكم رأى الكوكب الذي انقضى انقضى البارحة. Qui parmi vous a eu l'occasion de voir cette étoile qui est tombée? والكوكب هو الشهاب. Donc c'est ce qu'on appelle en français l'étoile filante. الذي ترجم به الشياطين حين يحاولون استراق السمع من السماء. Donc et l'étoile filante, quelle est sa fonction? C'est pour frapper les démons et les diables qui veulent attraper des messages venant du ciel, qui essayent d'écouter ce qui se passe dans le monde céleste. Et donc il y a ces étoiles filantes qu'ils sont lancées pour leur empêcher et les éloigner de cela. Comme a dit Ta'ala, Inna zayyanna as-samaa' ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala' al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adhabun wasib إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ce sont les versets 6 à 10 de la sourate As-Saffat. Donc, dans le sens des versets, Allah nous dit, nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor qui sont les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, qui sont les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel, sauf celui qui saisit au vol quelques informations et est alors pourchassé par un météore transperçant. C'est-à-dire qu'il est tombé du ciel. Le terme al-bariha nous apprend que c'est la nuit la plus proche qui est passée. Ce n'est pas n'importe quelle nuit. C'est celle qui nous est la plus proche. Wa muraduhu al-layla التي سبقت اليوم الذي عقدوا فيه هذا المجلس. Et ici il est voulu la nuit qui a précédé le jour durant lequel il y a cette assise et cette assemblée. ومن المعلوم أن من كان مستيقظا في ذاك الوقت سيتنبه في الغالب لهذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل. Et il est bien connu que celui qui est éveillé à cette époque, à leur époque, il verra d'un point de vue général, il ne fait aucun doute qu'il verra ce grand signe d'Allah tabaraka wa ta'ala qui prouve la perfection de la capacité d'Allah azza wa jal. Wallahu yaqul wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et nous n'envoyons de signes que pour leur faire peur, qu'ils aient la crainte. Sourate al-Isra, le verset 59. والسلف رحمهم الله يستشعرون هذا المعنى ويتذاكرونه ويذكرون به عظمة الله وكمال قدرته سبحانه. Et les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ressentent ce sens. Ils savent que ces signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi ils apparaissent, et ils s'en rappellent. Et ils se font le rappel entre eux mutuellement. Avec cela, ils se rappellent la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, la perfection de sa capacité, glorifié soit-il. بخلاف من ليس على طريقتهم ممن يرى أنها أمور طبيعية وظواهر كونية فلا تؤثر فيهم وَلَا يُبَالُونَ بِهَا وَلَا يَكْتَرِثُونَ. Contrairement aux gens d'aujourd'hui, beaucoup de gens d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas sur la même voie, le même chemin, la même méthodologie des pieux prédécesseurs, ceux qui voient ces signes comme des choses naturelles qui apparaissent, jusqu'à même dire à A'udhu Billah les koufars lorsqu'ils disent c'est la nature qui a ramené ça. Voilà le fruit de la nature. Voilà ce que nous donne la nature. Ce sont des paroles de mécréance. On cache par là le véritable créateur, celui qui a donné à toute chose existence, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle tel ou tel signe apparaît, contrairement aux bons croyants qui croient en Allah azza wa jal et qui est conscient et sait que rien n'est le fruit de l'hasard. Et que tout est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala pour une sagesse et une raison bien précise. Et comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, le verset qu'on a cité précédemment, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Donc le croyant, il a peur lorsqu'il voit même les nuages. Les nuages, quand ils apparaissent, on ne sait pas ce qu'il va avoir. Cette pluie qui va arriver, est-ce que c'est une pluie de miséricorde? Est-ce que c'est un châtiment? Certains ont été punis par la pluie abondante qui leur est tombée dessus. Donc le croyant, il a peur et il fait des doigts. Et il ne dit pas, la pluie nous est parvenue grâce à tel ou tel nuage. Non, mais nous avons reçu la pluie par la miséricorde d'Allah, Azza wa Jal. Par la miséricorde d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Par la bonté, et c'est une donation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Voilà le croyant, l'agissement du croyant. Mais les koufars, les mécréants, et combien tombent dans leur piège, en parlent comme des signes de la nature qui n'ont rien à voir avec la création, le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont aucune exhortation en cela. Et donc, et lorsqu'ils en parlent, ils sont étonnés de la grandeur ou de la force de telle ou telle créature en oubliant celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Qala Husayn. Donc la question fut posée par Saïd ibn Jubayr, rahimahullah. Husayn a dit, faqultu ana, j'ai dit moi je l'ai vu. أي أنا رأيته ثم استدرك حسين رحمه الله وقال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. Puis il s'est repris Hussein. Et le Cheikh Abou Razak va faire un commentaire là-dessus qui a toute son importance. Comment ses pieux prédécesseurs avaient peur de l'ostentation, avaient peur même de faire croire à quelqu'un, même sans l'avoir dit, le contraire de la réalité. Parce que ce qui va venir en premier à l'esprit des gens, il est en prière. Surtout à l'époque. À l'époque dont la prière de la nuit était répandue chez les gens. Elle était répandue chez les gens. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, j'ai pas dormi de la nuit, ça, la prière, c'est la dernière chose que tu vas penser. Subhanallah. Il veillait à la télé, il était dans une soirée, il était je ne sais où, pour pas dire. Voilà. Mais d'être en prière, qu'Allah nous pardonne à tous. C'est. Donc, eux, à leur époque, c'était normal. Donc, quelqu'un qui dit qu'il était réveillé la nuit, c'est qu'il est en prière. Donc, lui, pour ne pas qu'il pense qu'il était en prière, il aurait pu ne rien dire. Mais non. Eux, ils craignent Allah Azza wa Jal. La pensée des gens, c'est pas ça qu'ils recherchent. Et Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe. Allah sait tout. Fais croire ce que tu veux aux créatures. Mais tu ne pourras pas te mentir à toi-même, ni mentir au Créateur, tabaraka wa ta'ala. Donc il s'est repris, Hussein, rahimahullah, et il dit, « Thumma qultu ama inni lam akun fi salah. » Sachez que je n'étais pas en prière. Je n'étais pas en train de faire la prière. « Qala dhalika, Cheikh Abu Razzaq, donc il dit, « Hafidahullah, qala dhalika bu'dan an riya. » Il a dit cela pour s'éloigner, s'écarter de l'ostentation. ومن أن يحمد بما لم يفعله تلك الليلة وكون يفاس les éloges pour une action qu'il n'a pas accomplie. Et combien aiment qu'on leur fasse les éloges et on les mette à un stade qui n'est pas le leur et qu'on les remercie pour ce qu'ils n'ont pas fait. Subhanallah. Non, je n'étais pas en prière cette nuit-là. J'étais réveillé, mais il va expliquer pour une autre raison. وهذا يبين لنا الحياة الجميلة التي كانوا يعيشونها في لياليهم. Et ceci vient nous clarifier, à nous montrer ces belles nuits que vivaient ses pieux prédécesseurs, رحمهم الله تعالى. بحيث إن الذي يكون مستيقظا في الليل لا يظن فيه إلا أنه في صلاة. De sorte qu'à l'époque, lorsqu'on entendait que quelqu'un a veillé la nuit, on ne pouvait penser seulement qu'il était en prière. Il n'y avait que cette chose qui venait à l'esprit. S'il n'a pas dormi, c'est qu'il est en prière. بينما في وقتنا الحاضر من يكون مستيقظا في الليل فثمة أمور تشغله بسبب ما نعيشه من تحول في الحياة بسبب الإضاءة والإنارة التي جعلت الليل شبيها بالنهار. Mais à notre époque, à nous, celui qui est réveillé durant la nuit, il y a d'autres raisons qui ne l'ont pas laissé dormir. Surtout l'époque qu'on vit avec la technologie qu'il y a, que les rues dehors, tout est illuminé, il y a la lumière partout, jusqu'à que la nuit vienne ressembler au jour. On voit la nuit comme on voit durant le jour. بل لم نعد نرى بسبب قوة الإضاءة وكثرتها في البيوت والطرقات الكواكب والنجوم وجمال السماء وزينتها. Même à cause de toutes ces lumières répandues dans la ville, dans les rues, les avenues et autres, tellement que ces lumières sont nombreuses, cela nous empêche d'apercevoir les étoiles. Et ça, on le remarque. En ville, on ne voit plus d'étoiles. La nuit, elle tombe, tu regardes le ciel, on ne voit plus d'étoiles. Il faut, dans le désert, quand on est dans certaines régions, subhanallah, on se demande, on croirait que ce n'est pas le même ciel. On voit des étoiles partout. Et ici, en ville, on ne voit plus ces étoiles. Donc cette beauté, cette décoration du ciel, on ne la voit plus. Et en islam, on nous enseigne pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles. Pour combien de raisons? Pour trois raisons. L'une, c'est la décoration du ciel. La deuxième, c'est pour, on l'a vu tout à l'heure, frapper, éloigner les démons et les diables qui veulent prendre les informations. Et la troisième, pour s'orienter. Hein, les gens qui voyagent, ils connaissent les étoiles, donc pour savoir le nord, le sud, et ainsi de suite, pour connaître leur direction. Ils savent que telle étoile, elle donne toujours sur telle direction. Donc pour se diriger pour le voyage. Jusqu'à maintenant, dans les déserts, les nomades, les bédouins, ils connaissent leur direction par les étoiles durant la nuit. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles. مما أدى بكثير من الناس إلى تحول عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها حيث جعل لهم الليل لباسا ينامون فيه ويهدؤون ويسكنون والنهار معاشا يسعون فيه في تحصيل أرزاقهم وجلب مصالحهم. Et ceci a amené les gens à s'écarter de leur saine nature, qui est Al-Fitra. Car à la base, Allah tabaraka wa ta'ala, d'un point de vue général, il a fait la nuit comme repos. Les gens rentrent chez eux, ils se reposent, ils peuvent dormir, ils peuvent connaître un peu l'apaisement et la tranquillité. Et la journée, elle est faite pour vivre, sortir, travailler, et la recherche de la subsistance et de tout intérêt ou besoin qu'ont les gens. Et maintenant, hein, combien on les voit dormir la journée et essayer de vivre la nuit. Et selon certains hadiths, le prophète sallam nous enseigne que la baraka, la bénédiction dans la subsistance, elle est distribuée le matin, tôt le matin, là où les gens commencent à aller dormir. Après, ils se plaignent de ne pas trouver de subsistance. نعم كان مستغربا في حياتهم أن يقوم المسلم في الليل في غير صلاة. Certes, il était étonnant à leur époque de leur vivant qu'un musulman soit réveillé la nuit et ne prie pas. Inimaginable à leur époque. ولهذا قال أما إني لم أكن في صلاة. Et c'est pour cela qu'il a dit Hussein رحمه الله, je n'étais pas en prière ce soir-là. إِذِ الْأَذْهَانُ فِي وَقْتِهِمْ لَا تَذْهَبْ إِلَّا إِلَى هَذَا وَلَا تَظُنْ إِلَّا هَذَا الظَّنْ. Car l'esprit à l'époque ne va que vers ce sens-là. T'es réveillé dans la nuit, c'est que tu étais en état de prière. Et il ne pouvait pas penser autre chose que cela. إِذَنْ ماذا كنت تفعل في تلك الساعه ما دمت لم تكن في صلاه. C'est là la question, mais lui il va y répondre sans qu'on lui pose, mais c'est la question qui se pose, hein? Alors que faisais-tu durant cette nuit si tu n'étais pas en prière? سؤال يطرح نفسه في هذا المقام. Donc c'est une question qui se pose à ce moment-là. واجاب عنه حسين دون أن يسأل. Et Hussein a donné la réponse avant même qu'on lui expose cette question. فقال, il dit, ولكن أودرت, mais j'ai été piqué. Un scorpion m'a piqué. السبب الذي كان من أجله مستيقظا تلك الساعة هو أنه لدغ, أي لدغته عقرب. فكان متأذيا من سمها متألما من لدغتها منشغلا بهذا الأمر. Donc la cause, la raison pour laquelle il était réveillé à ce moment-là de la nuit, c'est qu'il a été piqué par un scorpion. Donc il avait une douleur dû à ce poison de ce scorpion. Il avait mal et ça l'a occupé. وَالْلَدْغَ تُؤْذِي الْمَلْدُورِ وَتُتْعِبُهُ وَتُؤْلِمُهُ فَلَا يَتَمَكَّنْ بِسَبَبِهَا مِنَ الرَّاحَةِ وَلَا يَهْنَى بِنَوْمِ. Et lorsque quelqu'un est piqué par le scorpion, cette piqûre, ce poison qui va entrer en lui, va l'empêcher de connaître l'apaisement, la tranquillité ou de dormir avec repos. Il ne pourra pas. C'est une douleur qui fait mal, qui ne laissera pas tranquille la personne, qui va l'empêcher de bien dormir. فلم يكن نائما ولا كان مصليا وإنما كان مشغولا بهذه اللدغة التي أصابته تلك الليلة فارقته وآلمته. Et donc à cause de cela, il a pu voir donc cette étoile tomber. Donc il ne dormait pas, mais aussi il n'était pas en état de prière, mais il était occupé par cette morsure faite par ce scorpion qui a causé la douleur et le mal. قال له سعيد. سعيد بن جبير رحمه الله lui dit: فما صنعت؟ Qu'as-tu fait? Donc tu étais mal, tu avais la douleur. Qu'est-ce que tu as fait pour atténuer cette douleur, pour te soigner, pour guérir? وهذا سؤال طبيعي جدا في هذا المقام. أن يقال ما صنعت. Et ça, c'est une question tout à fait naturelle. À ce moment-là, qui a sa place en lui disant: qu'as-tu fait? Quelle a été ton action? أي بما تعالجت. C'est-à-dire avec quoi tu t'es soigné. أو بأي شيء تداويت. وهو في الوقت نفسه يتضمن المواساة والاطمئنان وقوة العاطفة. Et au même moment, le fait de poser cette question montre qu'on s'intéresse à la personne et qu'on s'inquiète pour le mal qui l'a touché. Donc on lui montre en lui posant la question: comment tu t'es soigné, c'est-à-dire est-ce que tu as pu te soigner, tu as pu guérir de ce mal? Donc la personne qui a été touchée, la personne qui est malade, est contente qu'on s'intéresse à lui à ce moment. Donc on lui montre de l'affection. بل قد تقوى المشاعر في مثل هذا المقام لدى بعض الناس فتكثر منه الأسئلة التي ترهق المصاب وتزعجه. Mais d'autres posent trop de questions. Et le fait de poser trop de questions au malade peut l'embêter, peut être un mal pour lui. Ça va lui rajouter dans le mal qu'il a. Donc, il lui a dit: avec quoi tu t'es soigné? Il s'est contenté. Il s'intéresse à lui. Il s'intéresse à ce qu'il a touché, mais sans trop en faire. Sans trop en faire. Comme par exemple visiter un malade. C'est demander. C'est légiférer. Il y a de la récompense. Mais au même moment, qu'est-ce qu'on va te demander? Ne t'attarde pas trop. Visite-le, et voilà. Mais si le visiteur y vient, il reste là avec lui pendant des heures et des heures, n'est-ce pas qu'il va lui faire du mal? Ce n'est pas un bien. Même si lui dit: mais j'ai rien fait de mal, j'ai que visité. Non, c'est l'excès dans cette visite. Pareil dans les questionnements. Tu poses une, deux questions, ça va. Trop de questions, ça devient une curiosité qui est mal placée. Et faire dire aux malades des choses qu'ils ne voudraient pas dire. Donc, de faire attention à cela. ولربما صاحب ذلك لدى بعض الناس فضولا لا ثمرة من ورائه. Et parfois même certains vont même jusqu'à de poser des questions insignifiantes, des choses dont il n'a même pas besoin de la réponse. Subhanallah. C'est ce qu'on appelle de la futilité, al-fudul, de la perte de temps. فيسأل المصاب عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالحدث الذي أصابه. كان يقول البعض في مثل هذا الموقف: ما لون العقرب ومن أين خرجت وما حجمها ونحو ذلك من الأسئلة. Donc c'est des gens qui sont des paroles futiles, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, à titre d'exemple, de demander à la personne qui a été touchée, donc à la victime, au malade, lui poser ce genre de question. Quelle était la couleur du scorpion? Il était touché, il a mal. Qu'est-ce que tu lui poses la question de quelle couleur était le scorpion? Qu'est-ce que ça va te rapporter en te donnant la couleur? D'où est sorti ce scorpion? Quelle était la taille de ce scorpion? Et des questions similaires qui n'ont pas lieu d'être. فتحول المجلس إلى حديث عوام لا فائدة فيه. Et en faisant cela, on va se retrouver dans une assise au final, une assise de gens de la masse, des gens qui n'ont pas de science, qui n'ont pas de choses bénéfiques à rapporter dans l'assemblée. La perte de temps, inutile. فأي فائدة في السؤال عن العقرب المعتدي والإعراب عن حال المصاب بسمها المتأذى من لدغتها. Et où est le bénéfice de s'intéresser au scorpion qui a attaqué et d'oublier la victime et son état de santé, celui qui a la douleur de cette piqûre de scorpion. قال حسين استرقيت. Hussein a dit, j'ai demandé qu'on me fasse la ruqya. J'ai demandé qu'on me fasse la ruqya. أي الذي فعلته وصنعته عندما لدغت العقرب هو أن استرقيت لنفسي بالقرآن والذكر المأثور. Soit il a demandé à quelqu'un de lui faire, ou il s'est lui-même fait avec le Coran et les dua qui sont rapportés à ce sujet. فقال له سعيد. سعيد lui demande, فما حملك على ذلك؟ Qu'est-ce qui t'a poussé à cela? Pourquoi tu as fait ruqya? Quelle est la preuve, c'est-à-dire, de ton agissement? وهذه رغبة من سعيد في معرفة الدليل الذي استند عليه حسين في هذا العمل. Et là, c'est une volonté de Saïd ibn Jubayr de connaître l'argument qu'a employé, mis en pratique, Hussein. Les gens de la Sunna aiment les dalils. Ils aiment, قال الله, قال رسول الله. Ils savent que la personne a dit, a agi après avoir eu connaissance de tel verset, de tel hadith. Subhanallah. Et les gens de l'innovation, ils n'aiment pas. C'est lourd pour eux. Jusqu'à même certains parmi les prêcheurs parlent, le disent ouvertement. Ils en ont marre que les gens leur demandent c'est quoi le dalil? Quelle est la preuve? C'est comme une reconnaissance d'un côté, comme quoi ils agissent sans revenir au dalil. Et lorsqu'ils te ramènent le dalil, ce n'est pas leur agissement qui a subi le dalil, c'est seulement pour t'éloigner. Voilà. Le dalil vient après. Des gens font, disent, et après ils cherchent le dalil qui vient prouver leurs agissements parce qu'on leur a fait le reproche. Tout le contraire. Alors qu'on a dit quoi? Lorsqu'on apprend, la science avant la parole et l'acte. La science avant la parole et l'acte. Et non pas le contraire. Ça veut dire que la personne qui agit comme certains parmi les innovateurs et les égarés, qui font puis cherchent la preuve, même si leur agissement, l'action qu'ils ont fait, elle est reconnue dans la religion, mais on continuera à leur faire le reproche. Pourquoi? Parce que vous agissez d'une manière qui est contraire. Vous n'avez pas le droit de faire ou de dire tant que vous n'avez pas les preuves. Et vous avez inversé la chose. Donc même s'il lui dit, mais c'est bon, j'ai un délire pour ça, oui, ça c'est réglé. Mais de l'autre côté, la façon de faire, elle n'est pas bonne. Ta méthodologie, elle n'est pas bonne. Tu ne dois faire qu'une fois. Et regardez, donc, il lui demande, qu'est-ce qui t'a amené à agir ainsi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la ruqya ou à demander la ruqya? وهذه رغبة من سعيد في معرفة الدليل الذي استند عليه حسين في هذا العمل وهو من كمال حرص السلف رحمهم الله وعنايتهم بمعرفة الدليل. Voilà la perfection sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs, l'amour, l'engouement qu'ils avaient pour connaître les preuves et les arguments. بخلاف حال الكثير بخلاف حال الكثير من الناس حيث يزعجهم السؤال عن الدليل. Contrairement à beaucoup de gens qui ont du mal à accepter cette demande, quelle est ta preuve, quel est l'argument. بل لم يجد سعيد رحمه الله أي حرج في سؤاله في هذا المقام عن الدليل على ما فعل. Alors qu'on voit bien ici, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, n'a eu aucun problème, aucun souci à ce moment-là de questionner sur la preuve de cette action, l'argument de cette action. وَقَدْ يَسْتَكْثِرْ بَعْضُ النَّاسِ مِثْلْ هَذَا السُّؤَالِ فَيَقُولُ الرَّجُلْ مُصَابْ وَمُتَأَذِّي بِالسُّمْ وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الدَّلِيلِ ولربما قال بعضهم وهل هذا وقته بينما الأمر عند السلف طبيعي جدا ومألوف ومعتاد. Et certains même pourraient dire, tu en fais trop en demandant le délit à ce moment-là. Cette personne, elle est malade, elle est atteinte de telle douleur ou de telle maladie. Et toi, tu n'as trouvé qu'à lui demander quelle est la preuve. Mais certains vont dire, ce n'est pas le moment de demander la preuve. Tout moyen pour éloigner les gens de la recherche, de la preuve, de l'action. Alors qu'on voit bien que chez les salafs, chez les pieux prédécesseurs, de demander la preuve était une chose naturelle, normale et connue chez eux. قال حسين حديث حدثنا الشعبي. C'est un hadith que nous a rapporté, relaté الشعبي, un des grands imams des tabi'in, l'imam الشعبي رحمه الله تعالى. أي الدليل على ما صنعت حديث حدثناه الشعبي. C'est-à-dire la preuve de ce que j'ai fait, c'est un hadith qui nous a été rapporté par الشعبي رحمه الله. قال سعيد وما حدثكم. سعيد lui a dit, et qu'est-ce qu'il vous a relaté? Quel est ce hadith qu'il vous a raconté? أي اذكر لنا الحديث الذي حدثكم به الشعبي وهذا كله من تمام الحرص وكمال العناية بمعرفة الدليل. Là on voit bien cette force qu'avaient les pieux prédécesseurs de connaître la preuve. Il m'a dit, c'est Sha'bi qui nous a rapporté, un imam parmi les imams des tabi'in. Mais il m'a dit, mais quel est ce hadith qui vous a rapporté Sha'bi? Ils veulent écouter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حسين حدثنا عن بريدة بن الحسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. حسين dit, il nous a rapporté, c'est-à-dire à Sha'bi, rahimahullah, d'après Buraïda ibn al-Husayn, qui dit, c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a de ruqya que pour le mauvais œil ou la piqûre du scorpion. Wa huwa hadith zahir al-dalala 'ala al-maqsoud. Et c'est un hadith, il apparaît clairement dans sa phrase, les paroles citées dans le hadith, hein, ce qui est voulu, c'est bien clair. وَالْعَيْنِ هِيَ إِصَابَةُ الْعَيْنِ غَيْرَهُ بِعَيْنِهِ. Donc là, il nous explique, c'est quoi l'عَيْنِ? C'est ce qu'on traduit en français par le mauvais œil. وَالْحُمَى هِيَ لَدْغَةُ الْعَقْرَبُ وَذَوَاتُ السُّمُومُ. الْحُمَى, c'est la piqûre, la morsure du scorpion ou toutes ces bêtes qui ont du poison, comme les serpents et autres. وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرُ جَوَازِ الرُّقْيَ فِي هَذَيْنِ فَقَطْ. Ici, il ne faut pas comprendre de ce hadith que le prophète sallam a cité seulement ce qui permet, autorise la ruqya. Lorsqu'il a dit « al-'ayn wal-humma », c'est à titre d'exemple. Il les a cités. mais il y a d'autres raisons hein, qui permettent la ruqya. وليس المراد حصر جواز الرقية في هذين فقط وإنما المراد لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose, un moyen de se soigner qui serait plus bénéfique, utile pour la personne qui veut se soigner du mauvais œil, qui veut se soigner de la morsure, de la piqûre, du scorpion, que la ruqya. Wal-humma, kama arrafna, hiya ladghatul aqrab. Donc, al-humma, c'est la piqûre, la morsure du scorpion. Wa qad ahsana Hussein rahimahullah, indama raqa nafsahu amalan bihada al-hadith, wa istinadan ila hada al-dalil. Et Hussein rahimahullah, a bien agi. En s'argumentant, en retournant à ce hadith pour avoir agi ainsi, pour avoir fait la ruqya, il a une preuve de cela, puisque lui, il a subi une morsure de scorpion. ولهذا قال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Et c'est pour cela que Saïd lui a dit quoi? Il lui a dit a vraiment bien agi. A été bienfaisant celui qui s'est arrêté à ce qu'il a entendu. On a entendu et nous obéissons. Il a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a appliqué le hadith du prophète. Il lui dit, il a bien agi. On n'a aucun reproche à lui faire à celui qui a entendu le hadith et l'a mis en application. Ay ahsanta fi sani'ika wa asabta fi 'amalika haythu بنيته على الدليل وأقمته على السنة. C'est-à-dire que tu as bien agi dans ton action et tu as atteint le bien en agissant ainsi, car tu as fondé, construit ton action sur une preuve et sur la سنة. فأنت بلغك الدليل وعملت به فأحسنت بهذا الصنيع. Toi, il t'est parvenu la preuve et tu l'as mis en application en agissant ainsi, tu as bien fait. إذ الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. Et les gens face à cela sont de trois catégories. قسم بلغه الدليل وعمل به وهذا محسن. Première catégorie, ce sont des gens qui ont reçu, à qui on a transmis le dalil et ils l'ont mis en application. Ceux-là sont les bienfaisants, ils ont bien agi. Qismun ya'malu biduni dalil wa la burhan wa hadha musi. Une autre catégorie, la deuxième catégorie, ce sont des gens qui pratiquent, qui agissent sans connaître les preuves ni les arguments. Et ceux-là ont mal agi. Ils sont mauvais dans leur agissement. Qismun la ya'malu bima ya'lam wa hadha kadhalika musi. Et la troisième catégorie, ce sont des gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils savent. Ils ont eu connaissance mais ils ne pratiquent pas, ils ne l'appliquent pas. Et ceux-là, dans cette façon de faire, sont mauvais. Ils font mal agi. Fal muhsin idhan من انتهى إلى ما سمع. Donc le bienfaisant, celui qui est dans le bien, c'est celui qui s'est arrêté là où il a reçu le texte. Il a entendu le texte. أي سمع الحق وعمل به. Il a entendu la vérité et il l'a pratiqué. فهذا جمع بين العلم والعمل. Celui-là a réuni entre la science et la pratique. ثم قال سعيد بعد أن أيد حسينا على صنيعه. Puis سعيد بن جبير رحمه الله dit, après avoir encouragé, après avoir réconforté et rassuré Hussein sur son agissement, tu as bien fait. Il t'est parvenu un hadith, tu l'as appliqué. ولكن حدثنا ابن عباس يعني جميع عبد الله بن عباس il nous a rapporté وساق الحديث الى تمامه puis il va citer le hadith que vous avez entendu tout à l'heure où sont cités à la fin les 70 000 والشاهد فيما ساقه سعيد هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسترقون et ce qui nous intéresse là concernant ce qu'a fait Hussein et pourquoi Saïd ibn Jubayr va lui rapporter le hadith que lui a rapporté Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne demande pas la ruqya, il ne demande pas la ruqya. ولم يولد سعيد ذلك ليخطئ به صنيع حسين et Saïd n'a pas dit ça pour faire comprendre à Hussein qu'il est dans l'erreur. Il lui a déjà dit, t'as bien fait. T'as eu la hadith, tu l'as appliqué. Il ne lui dit pas ça pour lui faire une réprimande ou un reproche. Ou lui dire, tu t'es trompé. Non, tu as bien agi. Il lui a déjà dit auparavant. وَإِنَّمَا سَاقَهُ لِيُبَيِّنَ مَقَامًا عَظِيمًا فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَقَامُ التَّمَامِ تَمَامِ التَّوَكُّلِ وَكَمَالِهِ Mais il va citer ce récit pour lui montrer un degré, une place qui est encore bien plus grande et bien plus élevée et qui est un moyen d'atteindre la perfection et la complémentarité dans la recherche de refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est at-tawakkul. La anna al-hadith alladhi awradahu mu'aridun le hadith الأول, non pas que le hadith qu'il va ramener vient à contredire le hadith qu'a rapporté Hussein rahimallahu al-jami'a لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع il lui a dit a bien agi celui qui s'est arrêté là où il a entendu le texte ولكن كذا وكذا mais ceci et cela فعلم بهذا أن الحديث الأول لا يخالف الثاني on comprend de ça que le premier hadith c'est-à-dire le hadith de Hussein ne contredit pas ne s'oppose pas au hadith de second le second hadith qui est rapporté par Saïd ibn Jubayr لأن الثاني فيه وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب بتمام التوكل car dans le deuxième il y a la description des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment parce que ils ont été parfaits dans la recherche de refuge auprès d'Allah Azza wa Jal ils s'en remettaient complètement de la façon la plus forte الله تبارك وتعالى فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكتوون ولا يتطيرون donc ils ne demandent à personne de leur faire la ruqya ils ne font pas ils ne se soignent pas par les brûlures et ils ne font pas de superstition وهذا لا يتعارض مع ما ورد من مشروعية استرقاء المسلم لنفسه بالآيات والرقى الشرعية والتعوذات المذثورة et ceci ne s'oppose pas à la législation de la ruqya pour le musulman pour sa propre personne avec les versets et les du'as qui sont légiférés et les sourates protectrices ainsi que les du'as où il y a la protection qui nous sont rapportés du prophète alayhi salatu wassalam فهذا يدل على المشروعية وذاك يدل على مقام التمام والكمال فلا تعارض donc l'un nous dit que c'est permis voilà. il est permis de demander la ruqya l'autre nous montre un grade qui est au-dessus et le mieux c'est de ne pas demander la ruqya de demander la ruqya c'est permis Mais celui qui veut le mieux, qui veut faire partie des 70 000, il ne demande pas la ruqya. Donc il n'y a pas d'opposition à cela. Wa bi hadha tamma hadha al majlis al mubarak al mati' al nafi'. Et ici, donc se termine cette belle assemblée, cette belle assise bénéfique. Wa hadhihi da'watun uwajjihuha fi tamam 'ard hadha al majlis lil ba'ithin wa tullab al 'ilm ila al musahama fi ibraz majalis al salaf rahimahumullah. Et donc c'est un appel qu'il fait aux chercheurs, aux étudiants, aux gens de science de contribuer à faire connaître à la communauté ces belles assises, les assemblées des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, les na'khudh minha ad-durus wa nastaqi minha al-ibar, pour qu'on prenne des leçons et bonne exhortation de ces assises. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi, et prières et salutations sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين.